filles de la crèche, bouche ouverte, pas question que se laisse endormir par leur discours pelochon. Et moi je te le dis, on n'est pas des gardeurs, non, non, non. Alors il faut y aller, il faut après qu'on se réveille, qu'on fasse un bruit d'enfer, alors décoller les oreilles, et qu'on arrête un peu de bailler aux corneilles. Et moi je te le dis, oh putain, là c'est pas pareil, non. Licence et finance ma bidon. Le chômage qui régresse, oh y'a pas écrit pigeon. Non, non. Tu sais chez moi on dit bon, c'est un gentil garçon. Va franchir les limites trop faciles de mon écho. Arrête de faire l'autruche, la tête à poser dans le sable. Et viens d'offrir ton cul au putain là que ça fait mal. Non, c'est pas leur boulot, dire oui, c'est pas leur métier. Non, non. Y'a de belles vitrines, toutes bien illuminées. C'est sur elles t'attirent, mais c'est qu'on t'a pas donné. On te donne des allumettes avec l'arbre et la forêt. Et toi t'y mets le feu, y'a pas de quoi s'étonner. Non, pas de quoi s'étonner. Pas de quoi s'étonner.